إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في maintenant dans notre masjid ici au Yémen, dans la région de Mahra, un des mashayikhs du Yémen, connu ici, qui s'appelle Yahya Abu Tahir, nous a rendu visite et à cette occasion, il a fait une conférence qui m'a beaucoup marqué et que j'ai trouvé très intéressante et très profitable et très importante. Cela fait un moment déjà, j'avais promis que j'allais la traduire et par la suite, j'ai tardé à le faire, donc là, l'occasion s'est présentée, Inch'Allah, pour pouvoir accomplir cela. Tayyib. Donc, à travers cette muhadara, ce sera une traduction sommaire de ses paroles et ses fawaïd, avec quelques ajouts venant de ma part, évidemment. Et je conseille tout arabophone de retourner vers la conférence d'origine, pour en profiter pleinement. Mais parmi les exemples qu'il a cités, certains ne sont pas appropriés, par exemple, dans d'autres endroits, son propre au Yémen, au prédicateur du Yémen, donc je me suis passé de les citer, en rajoutant d'autres à la place, étant plus proche de notre situation, à nous. Quand je dis à nous, du fait que comme j'ai vécu en France, bien sûr, auparavant, l'ambiance de la France, on la connaît. Donc on sait des fois quels sont les exemples appropriés à donner pour que les frères et les sœurs puissent comprendre. Taïb. Donc le cheikh a débuté en disant qu'il était désolé de tout le temps qu'il a perdu, et cela après avoir entendu un conseil de Cheikh Abdel Hamid Al-Hajouri dans la propagation du ilm, et que ce Cheikh était désolé d'avoir perdu tellement de temps à faire des choses qui n'ont pas profité et qui l'ont privé de faire des choses qui elles lui auraient été profitables, et il a remis cela sur la cause de Al-Ashwa'iyya, qui est donc le titre de cette kalimat qui est Al-Ashwa'iyya Tadur Al-Ma'isha Al-Bashariyya. Donc, Ashwa'iyya, qui vient du mot Ashwa, qui a été traduit de différentes façons. Ça peut être l'obscurité. Ou Ashwa, c'est également la chamelle qui ne voit pas devant elle lorsqu'elle marche. Donc elle se prend les pattes dans tout ce qu'il trouve devant elle. On peut traduire également Ashwa'iyya dans beaucoup de situations comme étant de l'absurdité ou de la stupidité ou de l'irréflexion. Et dans d'autres cas, non. Il faudrait employer des termes moins affligeants. Ça dépend de qui on parle. D'accord ? Quand par exemple il s'agit d'ignorance basique, partant, elle, d'une bonne niya. Mais dans tous les cas, elle Ashwa'iyya, elle reste nuisible dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que les Arabes, ils disaient « Yarbut khopt ashwa ». C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'on dit « Yarbut khopt ashwa », c'est une personne qui gère mal, qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de clairvoyance et qui ne réalise pas les conséquences de ce qu'il entreprend. Il se comporte sans ilm, sans science. Donc c'est la « ashwa'iyya » et nuit. D'accord ? Dans beaucoup de domaines de notre vie. Et l'islam, justement, l'islam, notre religion, combat cela. Il n'y a pas d'ashwa'iyya en islam. Qu'al Allah Ta'ala, « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » Dans le sens où Allah dit, « Et voici ma voix dans toute sa rectitude. Ne suivez pas les sentiers car ils vous égareront de sa voix. » Les sentiers vous égareront de sa voix. Donc la voix d'Allah Azawajel, elle est wadiha, claire, limpide, bien régie, sans distorsion. Une seule voix. Donc le muwahid, la dette du tawhid, n'a pas d'ashwa'iyya dans la ibadah, dans son adoration. Il n'adore qu'un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le kafir mushrik, lui, il est complètement dispersé. Mutawazza' fi kulli jiha. Et il tombe dans le shirk. Il adore, par exemple chez les anciens, il était cité qu'ils adoraient une pierre. Ils prenaient une pierre, ils se mettaient à l'adorer. Et puis en chemin, il trouvait une autre pierre, plus belle que celle qu'il avait. Donc qu'est-ce qu'il faisait? La première pierre, il la jetait. Il prenait la nouvelle, il se mettait à l'adorer. Akaza. Aucune réflexion. Ou alors, tu les vois, beaucoup, ils adorent la vache. Comme en Inde, ils adorent des rats. T'en as, ils adorent même les parties génitales. Wallahazoubillah. Complètement instable. D'accord? Des gens qui cherchent des objets comme ça, ils disent ça c'est mon porte-bonheur. Ça c'est ceci, ça c'est cela. Et sans aucune preuve dans ce qu'ils disent. Ashwa'iyya. Absurde. Donc, cette Ashwa'iyya ne te laisse pas sur une situation qui est stable. Tu deviens comme une girouette, constamment en mouvement, constamment dirigée vers différentes directions. Par exemple, même chez les Nasara, les chrétiens, tu le vois, ils prétendent ce qu'ils prétendent. Ils se disent monothéistes. Et pourtant, sont noyés dans maintes croyances antiques et mystiques. Des croyances païennes, justement, comme on disait, par rapport au porte-bonheur, la mauvaise augure, plein de philosophies qui s'opposent même à la base de leurs livres. Ils sont complètement perdus. Des girouettes. Certains vont jusqu'à te dire que l'enfer et le paradis sont sur terre. L'enfer, c'est celui qui a une mauvaise vie, et le paradis, c'est celui qui a une bonne vie. Masalan. Absurde. Et il se dit pourtant qu'il croit en Isa, d'après lui, et autres. Et cette Ashwa'iyya, si elle vient dans la ibadah, dans l'adoration, fatu'adil al-nar, elle amène au feu. Voilà pourquoi Yusuf, alayhi salat wa salam, a conseillé ses ashab, ses compagnons de prison, de n'adorer qu'une seule divinité. Ya sahibay sijn, a arbabun mutafarrikun khayrun amillahi al-wahidul qahhar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Donc il a dit quoi, Youssouf, lorsque ses compagnons de prison lui ont demandé d'interpréter les rêves qu'ils avaient vus, il a dit, ô mes compagnons de prison, est-ce que plusieurs seigneurs différents sont meilleurs ou bien Allah, le seul, unique, dominateur? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez nommés vous-même, ainsi que vos pères, dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc cela vient de vous. Donc regarde bien, Allah Azzawajal nous raconte l'histoire de Youssouf, dans lequel il appelle les gens à délaisser l'Ashwa'iyya dans l'Ibada, qui amène au shirk. Donc, combien de versets dans le Coran appellent à ne suivre qu'une seule voie? Ihdina sirata mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Un chemin droit, un seul. Et ces gens-là qui ont été comblés des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui n'ont adoré qu'une seule divinité, avec ilm, avec clairvoyance, de façon normalisée, en norme, sans ashwa'iyya. Et tu vois que toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est démunie de ashwa'iyya. Les animaux, les montagnes, les océans, les mers, la végétation. Tu ne trouves cela, cette ashwa'iyya, que chez qui? Chez les bani Adam, chez les fils d'Adam et les djinns, c'est-à-dire les mukallafin. Ceux à qui Allah azza wa jal a laissé le libre choix d'agir. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, la shams yanbari laha, أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Que tu ne verras pas le soleil rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Chacun fait le rôle qui lui a été assigné, ta main à main, sans désordre. Jamais. Le seul jour où tu verras un changement, c'est parmi les signes de l'heure, lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et cela est parmi les signes, justement, après lesquels aucune œuvre ne sera acceptée, justement, car cela sortira de l'ordinaire, que les gens, justement, verront que la chose, elle est claire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard, wa shamsu wal qamara wal nujum wal jibal, wa shajaru wal dawabu wa kathiru minan nas, wa kathirun haqqu alihu al'azab, wa man yunihi lahu, fa ma lahu min mukrim, inna Allah yaf'alu ma yasha. N'as-tu pas vu que tout se prosterne pour Allah parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, la végétation, les animaux et beaucoup parmi les hommes. Et beaucoup mérite le châtiment. Donc, dans ce verset, Allah Azzawajal a généralisé, puis a détaillé. En premier lieu, il a cité quoi? Il a cité que tout se prosterne pour Allah, qu'on dit se prosterner, c'est-à-dire qu'il adore, qu'il le sanctifie, qu'il le glorifie, qu'il le magnifie. Hadha. Sans que nous, forcément, on le comprenne. On ne comprend pas leur glorification. Mais elle est là, elle est présente. Donc Allah, au début, il a bien parlé de toutes ces choses inertes, en disant tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Donc là, ça englobe tout. Après, il a dit le soleil. Après, il a dit la lune. Après, il a dit les étoiles. Après, il a dit les montagnes. Après, les arbres, les animaux. D'accord? Et pourquoi le soleil, la lune, les étoiles, on cite en premier? Ibn Kathir, rahmallahu ta'ala, dit parce que ces choses ont été généralement adorées par les gens. Donc Allah les a mis en premier pour attirer l'attention à la réflexion et le délaissement de l'ashwa'iyya. Et est-ce que Allah azawajal a cité une exception à toutes ces créatures inertes? Là, toutes. Toutes se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit toutes. D'accord? Toutes. Donc, aucune de ces créatures ne fait preuve de ashwa'iyya. Toutes obéissent. Et ensuite, il a dit quoi? وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Et beaucoup parmi les hommes. Donc, est-ce que ce sont tous les hommes? Non, ce ne sont pas tous, comme on l'a dit. Beaucoup d'entre eux le font. Mais la plupart ne le font pas. Ne se prosternent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui le font, en réalité, sont une minorité. Et ceux qui s'y refusent, هذا فوضى, ils sont le désordre, et dit عَشْوَئِيَّ. D'où la suite du verset. Quand il dit, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيَّ الْعَذَابِ, et que beaucoup méritent, et que beaucoup méritent le châtiment. Pourquoi ils méritent le châtiment? Pour avoir refusé de se prosterner, de ne pas avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah après il dit, وَمَنْ يُهِنِهُمُ اللَّهُ أَوْ يُهِنِهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ, et celui que Allah avilie n'aura personne pour l'honorer. إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, que Allah fait ce qu'il veut. Donc qui c'est qui sera avili? Ce sont ceux qui ont refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait preuve de ashwa'iyya, qui ne seront pas mis à leur place. Donc on voit que l'univers entier est géré et organisé en harmonie, hormis chez les mukallafoun, les hommes, d'accord. Même les animaux. Il n'y a pas d'ashwa'iyya chez les animaux. As-tu déjà vu un âne, comme l'auteur l'a cité, ou plutôt le chien l'a cité, un âne dire, aujourd'hui tu ne monteras pas sur moi? L'âne, il fait son travail. Des fois, il se bute, il veut plus avancer. Ça, c'est son caractère, c'est comme ça qu'il est. Têtu comme un âne, comme un mulet. Mais sans quoi, ce qu'il a à faire, il le fait. D'accord? Et voire même, si l'animal, tu l'utilises pour une autre raison que celle pour laquelle il a été créé, cet animal s'en inflige. Comment on sait cela? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'un homme qui est monté sur une vache. Et cette vache, il tapatat ilayhi wa qalat, ma khuruktu li hadha. Elle lui s'est retournée vers lui en disant, je n'ai pas été créé pour ça, pour que tu me montes dessus. Inama khuruktu li azara. Pour la semence, pour l'agriculture et pour donner du lait. C'est ça, le but, la création d'une vache, son existence. La vache n'a pas été créée pour qu'on lui monte dessus. On a des chevaux pour ça. On a les dromadaires, les chameaux, on a les ânes, on a les mulets. La vache, elle n'a pas été faite pour ça. Donc cette vache-là, elle a réagi. C'était un prodige. Mais elle lui a dit à cet homme-là, je n'ai pas été créé pour ça. Donc imagine-toi les animaux dont on se sert. Hors contexte, qu'est-ce qu'ils doivent se dire sur nous? Ou ces hommes-là, ces majanines, par exemple, qui font du rodéo. Mathalan, encore plus stupide. Adi ashwa iya tamam. Ou ceux qui font, je ne sais pas moi, de la corrida. Les toreros, comme ils les appellent. Complètement stupide. Cet animal-là, le taureau, n'a pas été créé pour ça. Et pourtant, les hommes, par leur ashwa'iyya, en font des moyens de distraction. Et donc, cette ashwa'iyya, elle est préjudiciable et de différents degrés. Elle peut être du kufr, de la mécréance. Elle peut être min ma'asi, parmi les désobéissances. Et parmi ces ma'asi, kaba'ir, aw sagha'ir, des grands ou petits péchés. Elle peut être également, d'ailleurs, la waqt, une perte de temps. C'est-à-dire, c'est pas haram, mais tu perds ton temps en faisant cela. Et une perte d'énergie également. Et même cette ashwa'iyya, peut-être de la bid'a, car si tu sors du circuit religieux légiféré en y ajoutant ce qui n'en fait pas partie, ou en l'appliquant d'une façon qui n'est pas la sienne et hors contexte, avec une intention d'adoration, tu auras fait quoi ? Une bid'a. Tu auras fait une innovation en religion. Donc la ashwa'iyya, on la trouve dans tous les domaines du mal, de l'interdit et de l'inutile. Elle est partout. Combien de dalils mettent en garde contre elle ? Ce temps de vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, si le serviteur recevait le tawfiq de le vivre, c'est-à-dire ce temps de vie, en s'éloignant de l'ashwa'iyya, en gérant bien son temps, il en obtiendrait le firdaus al-a'la. Naam, car la religion, elle nous a été donnée pour nous guider et nous emmener vers le Jannah. Et cette religion, comme on l'a dit au début, est démunie et exempte de toute ashwa'iyya. Dans le cas contraire, l'être humain gaspillerait son temps de vie. Ses péchés se multiplieraient et serait voué à la perte. D'ailleurs, les personnes les plus concernées par cette ashwa'iyya sont les kuffars. Une vie entière sans avoir pu en tirer le moindre profit pour l'au-delà. Wala shay lil akhirah. Pas une seule hasanat après la mort, que des péchés pour finir au feu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban manthura. Comme a dit Ta'ala, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'est-à-dire les kuffars, et nous en l'avons réduite en poussière éparpillée, c'est-à-dire tout ce que les kuffars les font comme œuvre, même en bien en ce bas monde, yawm al-qiyamah, ça n'aura aucune valeur, c'est comme s'ils n'avaient rien fait du tout. Leurs bonnes œuvres ne leur profitent qu'en ce bas monde, comme dans un hadith est venu, qu'ils en profitent comme du rizq, ou comme peut-être de la santé, ou des bons moments à vivre, ou autre. Mais dans l'au-delà, rien. Leur sadaqa, rien. Leur adoration, rien. Leur bienfaisance, rien du tout. Finnar, wali'azu billah. Regardez par exemple le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, combien de temps a-t-il vécu? Hein? Il a reçu la prophétie, le message à 40 ans. Et il est mort à quel âge? 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et voyez-vous tout ce qu'il a pu faire en 23 ans de vie, dont les fruits ne cessent de pousser jusqu'à notre époque. Et ce, jusqu'aux prémices de l'heure. C'est continu, ça ne s'arrêtera pas. Mais sans que l'heure vienne, sa darwa profite et continue. Et pourquoi? Car bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait preuve d'aucune ashwa'iyya dans sa vie. Une vie remplie. Ce pourquoi Allah azza wa jalla l'a envoyé, il l'a rempli tamaman. Comme il a dit à ses ashab dans le hadith al-wada', qu'al alla ballart, n'ai-je pas retransmis? Ils ont dit, ballart. Qu'al allahumma ashhad, allahumma ashhad. Et que retransmettre le ra'ib li shahid. Que retransmettre le shahid li ra'ib. Celui qui était présent, retransmettre à l'absent. Ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on était présent, non? Non. Mais pourtant, cela nous est parvenu. Et nous, actuellement, on le fait parvenir aux autres. Et les autres le feront parvenir à d'autres, ainsi de suite. Donc sa da'wa, elle continue. Et mathalan, on a des savants, des ulama, qui ont vécu 40 ans peut-être, peut-être moins que cela, ou 50 ans, ou plus. Et parmi eux, combien ont écrit des kutub, des ouvrages? Et même parmi ces ouvrages, combien ont été perdus? Ils ont écrit des volumes, des ulama ont écrit des volumes, des kutub en 10 volumes, en 20 volumes, en 30 volumes, et ainsi de suite. Et quand on dit volume, c'est un gros tome quand on parle. D'accord? Certains savants, à eux tout seuls, ont tellement de livres que même peut-être toute ta vie ne te suffirait pas pour voir tous les liens. Donc comment est-ce qu'ils ont pu réaliser cela, ces gens-là? Comment? Et on parle des anciens, là. Ils n'avaient pas d'ordinateur à leur époque. Ils n'avaient pas de smartphone à leur époque. Ils n'avaient même pas de stylo à encre comme on a aujourd'hui, avec lesquels on peut écrire pendant des heures sans s'arrêter. Ils avaient quoi? Hein? Ils avaient une plume qu'on trempe dans l'encre. Une plume qu'on trempe dans l'encre avec laquelle tu peux écrire peut-être 10 secondes. Après, il faut retremper, réécrire 10 secondes, retremper, ainsi de suite. Combien de temps ça prend? Ils n'avaient pas des beaux papiers lisses comme nous, on en a aujourd'hui, et des cahiers pour écrire. Ils avaient des, comme support, des papyrus, des parchemins, peut-être même des pots, des étoffes, Allah alam. Des choses qui n'étaient pas agréables par rapport à ce que nous, on connaît aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'électricité, le soir, comme nous on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus l'interrupteur, ça s'allume. On appuie dessus, ça s'éteint. C'est fini. Eux, ils n'avaient pas cela pour écrire. Ils avaient quoi? Des chandelles. Ils avaient quoi? Des lampes à pétrole. Et le pétrole, c'est nuisible pour la santé. Ils n'avaient pas de lunettes comme nous. Certains parmi eux, peut-être, étaient malvoyants. Myopes, astigmates, et ainsi de suite. Hein? Mauvaise vue. Et pourtant, malgré cela, regardez le travail qu'ils ont fait. Alors que nous, avec tous ces moyens à notre portée, nous n'arrivons pas à fournir autant de résultats. Pourquoi? Car ces gens-là étaient كانوا أبعد الناس عن العشوائية. Les gens les plus loin de la عشوائية, de cette absurdité, de cette stupidité, de cette perte de temps, de ces choses futiles et de ces choses peu profitables et autres, inusibles. Il n'y avait pas ça chez eux. Le temps, c'était la chose la plus onéreuse chez eux. Et la plus, qui avait le plus de valeur. Et cela, bin tawfiq Allah azawajal. Alors que nous, nous sommes empêtrés dans la rachouaïa. Nous avons gaspillé notre temps de vie, illa man rahimallah, à part ceux qui Allah fait miséricorde. Adi musiba. Et c'est pour cela que Allah n'aime pas cette rachouaïa, qui a fait gaspiller notre temps de vie. Nous disions donc que notre dîn, il n'y a pas de rachouaïa. Analyse, masalen, nos ibadat, nos adorations, comme elles sont bien régies. Par exemple, l'horaire de la salat. D'accord? S'il y avait de la ashwa'iyya dans notre salat, elle pourrait être annulée. Jibril, alayhi salam, a enseigné au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le temps de chaque salat. Quand est-ce qu'elle débute et quand est-ce qu'elle s'arrête? De façon précise et ordonnée. D'accord? Pour le dhor, pour le asr, pour le maghrib, pour le isha, pour le fajr. Chacune a un temps précis défini. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, inna salat kanat ala al-mu'minin kitaban maquta, que certes la salat a été prescrite en un temps précis pour les croyants. Et il y en a plein qui se comportent avec ashwa'iyya dans leur salat et les rendent invalides. Par exemple, un exemple qui est fréquent, les gens au travail qui, à cause du travail, ne font pas la salat à l'heure, le regroupent le soir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent la salat de leur temps sans raison valable. Qu'est-ce qui se passe? La salat, elle est nulle. Tu pourras faire 10 000 salats. À partir du moment où tu l'as fait hors de son temps, volontairement, sans excuse, ta salade, elle n'est plus acceptée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ashwa'iyya. Ta main à main dans la salade. Les seuls moments où cela est permis, c'est avec des excuses particulières. Voyage, le malade, certains ont vu en temps de pluie, dans des cas particuliers avec des preuves à l'appui. Seulement, c'est comment les gens s'y prennent. Hada, mayaslah, mayajuz, ghayr mashru'. Ou d'autres, carrément, faut pas la salat à l'heure, pour quelle raison? Il y a un match de foot à la télévision, wa l'azabillah. Ou d'autres, pour d'autres futilités. Quand elle est occupée à faire autre chose, la salat, il y a ça dans son temps. Comme ça. Sa salat là, elle est nulle. Tu peux la faire après, elle est nulle. Elle sera pas acceptée pendant la salat. Même tu la refais, je ne sais combien de fois, elle sera pas acceptée. D'accord? Tu délaisses ces piliers volontairement. D'accord? Même, involontairement, elle sera pas acceptée. Et tu délaisses par contre ces obligations volontairement, elle sera rendue valide, invalide. Mithalan, hadith Abu Hurayra de cet homme qui faisait les mains de la salat. Il est rentré dans le masjid, il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a passé le salam. Faradda alayhi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fadhaba al-rajul fa salla. Thumma raja'a ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sallama alayhim. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, irji' wa salli fa innaka lam tusalli. Après avoir fait sa salat, cet homme-là s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, repars et recommence ta salat, car tu n'as pas fait la salat. L'homme est reparti et recommencé. Il est revenu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit pareil, repars et refais ta salat, car tu n'as pas fait de salat. L'homme est reparti, il a recommencé la même salat qu'il a faite, il est revenu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répété la chose. L'homme lui a dit, والذي بحث بالحق ما اعلمه غير هذه فعلمني. D'accord, il lui a dit, je ne sais pas faire la salat autrement que cette façon-là, donc enseigne-moi. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment faire la salat, c'est-à-dire avec tu'manina, avec, comment dirais-je, avec attention, sans précipitation, car cet homme faisait trop vite, donc ne respectait pas les piliers. Donc regardez bien cet homme, est-ce qu'il est parti s'asseoir et lire un livre? Là. Est-ce qu'il est parti boire un verre d'eau? Là. Est-ce qu'il est parti écrire un mot? Non. Il est parti faire ce que lui voyait comme étant une salate. Donc il a fait quelque chose, selon lui. Mais qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Irji' wa salli fa innaka lam tusalli. Il dit, repars et refais ta salate car tu n'as pas fait la salate. Ce que tu as fait là, ce n'était pas valable. Cependant, comme il était ignorant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui enseigner, donc il n'y a pas de péché sur lui, il n'a pas fait exprès. Mais l'ignorance ne rend pas pourtant salat valide. Juste, tu n'as pas de péché. tu n'as pas de péché. Mais la salat en elle-même, elle n'est pas acceptable pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a des conditions. Et tout acte d'adoration a deux conditions principales pour t'accepter. La première, l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-niyya. Et la deuxième, le suivi prophétique. Donc la faire selon les normes de la sunna. Chose que cet homme n'a pas faite. Mais il ne savait pas. Il a été excusé pour son ignorance. Mais malgré tout, l'acte n'était pas accepté auprès d'Allah. Donc il a dû recommencer. Il a dû recommencer. Donc qu'en est-il de ces gens-là qui font exprès de sortir les choses de leurs règles et de leurs conditions et de leurs piliers et de leurs obligations? D'accord? Non. Donc, cette ashwa'iyya, elle apparaît chez la plupart des gens, c'est même le jahel, par l'ignorance. D'accord? Et d'autres, ils ont le ilm, mais ils n'appliquent pas ce ilm qu'ils ont reçu. D'où l'importance d'apprendre, talab al-ilm. Cependant, dans quel but d'apprendre? Apprendre pour dire juste, je connais, moi je connais. Car il y a des gens, tu vas les voir. Tu leur parles, tu dis, ouais, je connais. T'as, tu connais, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que je t'ai pas vu faire la chose que tu dis que tu connais. Donc, ce « je connais », à quoi te sert-il? Il te sert à quoi, là? Adi ashwa'iyya. Tu dis « je connais », mais tu ne fais pas. « Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an hujjatun alayka, aw laka aw alayka. » Que le Qur'an est un argument pour ou contre toi. C'est-à-dire, si tu sais une chose, et que tu ne la fais pas, d'accord, cela est contre toi. Donc, ne dis pas « je sais ». Tu vas dire « ah, j'ai oublié » ou « faut que je m'y remette » ou « je me reprenne ». Ah ben, tu te vends, tu connais, mais tu ne fais pas, ça c'est contre toi. Il aurait peut-être mieux fallu pour toi de dire, de ne pas dire aux gens que tu le savais. Ça aurait été moindre, le moindre mal. Fadiha Ashwa'iyya, les juifs, pourquoi dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit dans la Fatiha, Al-Marzoub alayhim, pourquoi ceux qui ont subi la colère? Car ce sont ceux qui ont su, mais qui n'ont pas agi. Donc regardez par exemple dans les ibadat, autre que la salat, As-Siyam, le jeûne. Le jeûne, que dirais-tu de quelqu'un par rapport à Ramadan? Il te dit, moi, je vais faire le mois de Siyam à partir du premier de Shawwal. Le mois entier, je ne vais pas faire Ramadan, je vais faire Shawwal. Ça revient au même. Qu'est-ce que tu veux le dire à celui-là? Parce qu'il va dire, pendant Ramadan, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Est-ce que celui-là, Allah va accepter son Siyam? Il a une bonne niya, il veut vraiment le faire. D'accord? Est-ce qu'Allah va accepter de lui? Jamais. Jamais. Et cet homme-là peut même devenir kafir, c'est-à-dire de l'islam. Si jamais il le fait exprès en connaissance de cause, et en cela licite, il dit j'ai le droit de le faire, c'est permis, c'est halal. De faire Ramadan, d'accord, à un autre moment, alors qu'il peut le faire pendant Ramadan. Ah ben à ce moment-là, il peut m'écroire. Ou pareil, celui qui rompt son siyam avant le coucher du soleil. Ne serait-ce que une minute avant ou quelques secondes avant que le soleil se couche. Volontairement, il sait que le soleil n'est pas encore couché, mais il dit ah c'est pas grave, 5 minutes, 2 minutes, oh, 10 secondes, ça va pas me tuer. Ça, Allah il va accepter mon siyam, c'est pas pour ça que... Ah bah si, justement. Ton siyam, il est rendu baratil. Et peut-être même que tu peux devenir mécréant si jamais tu rends cela licite avant que tu aies su la chose. Tu dis, j'ai le droit de rompre avant. Tu n'as pas le droit de rompre avant. Sans excuse valable. Comme la maladie ou une raison légiférée. Et le hajj. Mathalan. Qu'est-ce que c'est le hajj? Faire le hajj hors saison. Après. Ou avant son temps. Qu'en est-il? Ashwa'iyya, il va peut-être accepter ton hajj. Regarde ces koufars, comme par exemple l'ancien président américain Obama. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pourquoi les musulmans, ils font pas le hajj deux fois dans l'année? Comme ça éviterait tout cet attroupement, tout ce monde qui est ingérable, des millions de gens en un même lieu, en un même moment, cela cause des morts, cela cause des dommages. Ils devraient faire le hajj une fois en début d'année, et une fois en fin d'année, ça serait plus simple. Il y a Ahmar, il n'a rien compris. Et les koufars, on a dit, ashwa'iyya, miya bil miya. Car ils savent pas que le hajj, c'est une adoration qui a été également prescrite en un temps particulier, en des jours particuliers. À un lieu particulier, avec des rites particuliers. Et que ce hajj doit être accepté pour Allah Ta'ala. On fait pas le hajj comme ça, c'est pas du tourisme. C'est une ibadah. Et la ibadah, c'est quoi qu'on espère? C'est que Allah l'accepte. Allah l'accepte. Donc on fait pas les choses comme nous, on veut. D'accord? On fait pas comme nous, on veut. Donc celui qui viendrait à khala cela, il va dire, moi le hajj, je vais le faire au mois de Safar. Pendant Dhul Hijjah, il y a trop de monde. On va dire quoi à lui? On dit, tu te moques de la religion. Si tu as su la chose, pourquoi tu fais un Safar? Il va dire, il y a trop de monde dans Dhul Hijjah, je vais plus tard. Et ben, ton hajj, il sera baratil. Et peut-être même que toi, si mais tu le sais, tu fais exprès, tu rends cela licite, tu peux sortir de l'islam. Wa li'az billah. Donc cette religion, ce din, il est ordonné murattab, munazzam, bila ashwa'iyya. Et malgré cela, cette ashwa'iyya s'est fortement répandue en masse au sein de la umma, dans presque tous les aspects de la vie. Car celui qui vit de la sorte, d'accord, ne prend pas en compte les conséquences de ses actes, il ne voit pas loin. Alors c'est un point indispensable en religion avec ses preuves à l'appui par rapport à la ashwa'iyya. Si on réunissait tout ce qui parle de la ashwa'iyya, on pourrait en écrire un volume entier tant sont nombreuses. Donc on a dit que al-ashwa'iyya ou al-ashwa plutôt al-ashwa pouvait signifier la chamelle qui marche sans voir devant elle et se prend les pattes dans tout ce qui est devant elle et peine à avancer. Wa qala ta'ala wa la tusufha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dans le sens où Allah dit, et ne confiez pas aux incapables leurs biens, car Allah a placé sous votre responsabilité votre surveillance. Mais prélevez-en pour eux en nourriture, en vêtements, et parlez-leur convenablement. Pourquoi? Il dit, as-sufaha. C'est qui ce safi? Le safi, c'est celui qui ne sait pas gérer les choses. Donc ce safi, si jamais il a de l'argent que tu lui confies, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va tout dépenser en l'espace de peu de temps dans les choses inutiles. Donc toi, qui est responsable et réfléchi, tu ne peux pas lui donner cet argent-là. Pourquoi? Pour son bien. Car ça va être quoi si tu lui donnes ashwa'iyya? L'argent va le mettre hors contexte. Il va mal l'utiliser. Donc dans le Coran, Allah nous montre bien, justement, que cet argent-là, on ne lui donne pas. D'accord? On parle des gens qui maintenant qui sont sous notre responsabilité. Ton fils, par exemple, il est dépensier. Tu veux donner une grosse somme d'argent? Tu peux lui donner l'argent. Ou tu sais qu'il perd l'argent bêtement. Tu veux dire, tiens, mon fils, prends 5000 euros et va là-bas donner un tel. Alors, tu sais que ton fils, il est mourafel, il va les perdre. Tu veux les donner? Tu peux les donner. D'accord? Ici, on envoie au Yémen, par exemple, et même à Djibouti, comme on a cité, il y a cette herbe qui s'appelle le qat. C'est une herbe qu'ils mâchent, qu'ils broutent. C'est une forme de drogue. Et ils en sont accros. Et c'est leur priorité quotidienne. Par exemple, tu vas donner à un homme, on appelle ça un mukhazin, celui qui prend du qat. Tu vas lui donner, par exemple, une somme d'argent. Mathalène, on va dire, on parle en euros pour que ce soit plus clair. Tu lui dis, tiens, voilà 200 euros pour acheter les choses de la maison pour la famille, la femme, les enfants. Il va prendre les 200 euros. Il va prendre 150 euros de pot et il va garder 50 euros pour le reste pour la maison. Il va revenir quoi avec la maison? Avec des sacs vides, des choses qui servent à rien. Lui, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Ashwa'iyya. L'argent, il était là. Suffisamment pour faire ce qu'il avait à faire parmi les choses prioritaires. Mais lui, il a fait quoi? À cause de sa fitna du pot ou d'autres, peut-être la cigarette, d'autres l'alcool, d'autres drogues, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'argent, le capital qu'ils ont pour pouvoir vivre, ils vont le mettre là-dedans. Et après, se retrouver en situation précaire et difficile, et dans l'embarras, et dans des impasses, et dans je ne sais quelle autre difficulté. Wali Azabillah. Donc cela, comment ça s'appelle? Ashwa'iyya. C'est absurde, c'est stupide. C'est stupide. Et ça, on en a une part. D'accord? On en a une part. Combien d'entre nous accumulent des dettes à cause de cela? On a des choses prioritaires à acheter et on peut passer des choses secondaires. Nouvelle paire de baskets, mashallah, le nouveau iPhone, mashallah, un écran plasma, bon ça c'est même pas halal, mais bon, pour te dire. D'accord? Plein de choses qui servent à rien, une nouvelle vaisselle pour des invités, alors qu'on a d'autres choses plus importantes à payer. D'accord? Un nouveau parfum, mashallah, sac à main, Louis Vuitton, je ne sais quoi, des vêtements de luxe, des belles affaires. Taillé. Et lorsque l'heure du loyer vient à payer, faut emprunter ou on se trouve à découvert. Wallahi azabillah. Kazalik, combien te disent, qu'elle facilite la hijra? Ah oui, je vais faire la hijra, lazim. Hijra. Taillé. Mais déjà, faut commencer par faire les causes concrètes en évitant de quoi? Les dépenses inutiles le plus possible. T'achètes un nouveau salon, taillé. Nouvelle voiture, taillé. Et l'argent que tu veux pour la hijra? Parce qu'après tu dis j'ai pas d'argent pour la hijra. Bah déjà commence par mettre de côté ce que tu peux. Fais des causes, mais celles qui sont apportées. Ah ben tu dépenses comme ça à droite à gauche et après tu dis je n'ai pas assez pour faire telle et telle chose. Tu dis ashwa'iyya. Et en plus ces choses-là que tu achètes qui sont secondaires, peut-être même tertiaires ou autres, bah le conseil c'est dès maintenant on te conseille de t'en détaché, car si tu fais la hijra, il y a de fortes probabilités que tu n'auras pas ces choses-là là où tu vivras. Un beau salon, un beau canapé en cuir, une belle vaisselle, toutes ces choses-là. Tu ne les auras peut-être pas. Donc dès maintenant, fais preuve de réflexion, dès maintenant, commence à en détacher, pour te dire, dès maintenant je m'éduque, je n'aurai plus ces choses-là. Allez. Et cette achouaïa peut détruire nos foyers, nos enfants. Elle a même été la cause de perte de peuples entiers. Maintenant, question importante également, dans laquelle on trouve beaucoup de achouaïa, c'est celle du mariage. Question du mariage. Yaqulu an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, ya ma'shara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. Il a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ô vous, les jeunes, celui d'entre vous qui peut assumer, c'est-à-dire le mariage physiquement ou financièrement, qu'il se marie. Et celui qui ne peut, alors qu'il jeûne, car cela est une protection pour lui. Voilà le adab que nous enseigne le prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, pour nos jeunes, dans la question du mariage, qu'il faut s'y hâter, c'est ça la base, se marier vite. Pour qui le peut et qui en mesure. Et cela, c'est un rod aux gens de la Ashwa'iyya dans le mariage. Certains ne peuvent pas, par exemple, ne peuvent pas assumer. Ils veulent se marier. C'est quoi le remède? C'est le siyam, c'est jeûner. Commencer à trouver, chercher un tas de solutions à droite à gauche, ça va pas être profitable. Là, la solution, elle est là, elle est simple. De jeûner, de patienter, bien évidemment, et toute chose viendra en son temps. Donc le siyam. Donc certains, lorsqu'ils se marient, c'est bi'ash wa iya, parce qu'ils vont trop vite. Et d'autres, c'est le contraire. Ils tardent, parce que c'est ash wa iya. Ils peuvent le faire, ils ont envie de le faire, mais pour des X raisons, je veux un diplôme, je veux finir mes études, je veux d'abord construire une maison, je veux ceci, je veux cela. On dit, Yahari, avant que tu n'arrives à l'aboutissement de ton projet, il y a combien de fitaines devant toi? Combien d'infitaines devant toi? Et qui te dit que tu seras préservé, tu ne vas pas tomber dedans? Et en quoi le mariage t'empêchera d'obtenir ces choses-là également? Le mariage, c'est pas un frein, c'est un soutien pour toi. Donc, si tu as les moyens de te marier et que tu en as envie, alors fais-le. Ne laisse pas telle et telle barrière devant toi. Ne te mets pas des choses, ne t'impose pas des choses, ne te prive pas de choses par toi-même. Cela ne va pas être profitable. Donc, faut mettre tes choses à leur place. Donc, comme on l'a dit, contrairement, t'en as d'autres, ils se précipitent, ils n'ont pas les moyens de se marier. Ça veut dire, ils se précipitent dans quel sens? Par exemple, il prend la première venue. J'en peux plus, faut que je me marie. Allez, la première qui vient, je la prends. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est le regret amer. C'est le regret amer. La première nuit, elle est belle, et encore, c'est même pas sûr. Deuxième, là, abaisse. Troisième, moins bien. Quatrième, ça commence. Et après, t'entends qu'il dit, ouais, cette femme-là, kaza, kaza et kaza. Pourquoi n'as-tu pas réagi? Tu savais qu'elle n'était pas correcte, cette femme-là. Pourquoi n'as-tu pas patienté? Pour en prendre une meilleure. On part dans un cas où quelqu'un sait. Ou ne s'est pas assez renseigné sur une femme. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Machayakine. Et pareil pour une sœur. Elle a vu un frère, il lui a plu. Elle ne s'est pas assez renseignée sur lui. Qui il est? D'où il vient? Qui le connaît? Ce genre de choses, elle se marie et après elle se dit oui, un tel, le frère il me fait ci, il me fait ça. Il est pas sérieux dans sa religion, il me frappe, il me rend pas mon droit, il est injuste, il est ceci, il est cela. Par exemple. Et on dit pas qu'elle dit ça vainement, ça se trouve, elle le dit vraiment. Mais avant de t'engager dans le mariage avec lui, tu renseignes correctement. Parce qu'on dit, faut aussi la ifrat ou la tafrit. Faut se renseigner sans non plus demander un CV. T'as des gens, on m'a déjà envoyé des messages, une sœur elle demande des. Elle veut un frère en mariage, elle demande, je sais pas, des questions, c'est à faire mal à la tête. Des questions qui le frère, s'il veut se marier avec toi, il va te dire oui. Ces questions, ça ne serviront à rien du tout. S'il veut se renseigner auprès de son entourage. Et toi, pareil pour la sœur. Renseigne-toi auprès de son entourage. Regarde les karaïdes, regarde les indices, regarde des choses. Analyse, enquête. Mais tu lui dis, Orti, on va faire ça, elle va dire oui. Abshir. On va faire l'aïjira. Oui, demain matin, si tu veux. Je vais prendre une deuxième. Si tu veux, c'est moi qui l'ai choisi pour toi. Et le frère, pareil. La sœur, elle dit, oui, mais moi, je veux pas que tu prennes une deuxième. T'inquiète pas, si tu seras mon amour, il y aura que toi dans ma vie. Et elle dit, oui, je veux, mais si on fait la hijra, on va que à Médine, d'accord, si tu veux. Voilà, une fois que le mariage il est fait et consommé, les choses changent. Les visages se dévoilent. La réalité apparaît. Et là, c'est amer. D'ailleurs, pourquoi Ashwa'iyah? Dans la recherche du Zawj ou de la Zawja, eh ben, il n'y a pas eu d'enquête préliminaire suffisante. Pourquoi? Je veux me marier absolument. Le frère, il est trop beau gosse, Allahumma barik. La sœur, elle est trop charmante, Allahumma barik. Tu vois. Et voilà, ils sont mariés. Sans regarder le côté religieux, ça, réel. Qui est le pilier le plus important dans le mariage. C'est la religiosité de la personne. C'est ça qu'il faut prendre en compte en premier. Après, on peut voir des choses en apparent, et après, quand dans la machafa, la personne n'est pas comme on pensait, là, c'est autre chose. Là, on parle de gens qui ont été négligents dans les causes pour pouvoir savoir dans quoi ils s'engageaient. Et ça, c'est très fréquent. Très, très fréquent. Ou d'autres également qui ne font pas les causes comme il faut. Ils font la khidba en cachette. On se téléphone, d'accord? On se parle en cachette. Le wali, on l'esquive. Ah, ça arrive à quoi après? Il n'y a pas de tauba. À de mauvaises conséquences. Que des choses comme ça, comme un frère disait, tu rentres pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Ben, il n'y a pas de baraka dans le projet. Malheureusement. À part celui qui fait tauba, qui reconnaît l'erreur, qui après se rattrape. Et il y en a, ça finit bien pire que cela avant le mariage. Comme vous le savez, le azabillah. Toujours lié au mariage, qui est ta'addud, la polygamie, naam, la fitna des frères. La fitna des frères, de l'homme, de façon générale. Car, c'est comme le mariage. Le mariage, d'abord, avant de parler de la polygamie, le mariage, yajri alayhi arkam at taklif. Il est sous les cinq règles de taklif de la religion. Ce mariage, la base du mariage, c'est qu'il est mustahab. Il est recommandé. C'est la base. Ce mariage peut devenir obligatoire pour quelqu'un qui peut se marier et qui va tomber dans le haram. Il doit se marier, c'est obligatoire pour lui. Celui qu'on a envie qu'il ait des moyens, mais qui n'est pas au point de devenir fou, c'est pour lui, c'est recommandé. T'en as d'autres pour qui? C'est permis. D'accord? T'en as d'autres pour qui? C'est makrouh. Car par exemple, il ne pourra pas trop assumer. Ou il n'a pas bien compris les règles du mariage, il n'a pas bien appris. Pour lui, c'est pas encore le moment. Et t'en as d'autres pour qui c'est interdit de se marier. Pourquoi? Il n'a pas du tout les moyens, ou physiquement, il ne peut pas rendre le droit à une femme. Ou il n'a pas le racle suffisant. Par exemple, il est un peu, on va dire, mentalement parlant, il n'est pas dans les normes. Il a une maladie mentale, par exemple. Et cette maladie pourra nuire à la femme. Eh bien, lui, il ne faut pas le marier. Ou tu sais que c'est quelqu'un qui se comporte très très mal. Très injuste. Eh bien, il ne faut pas le marier, lui, pareil. Donc, chacun, ça revient à la personne. Mais la base du mariage, c'est que c'est l'istihbab. C'est que c'est recommandé de se marier. Et là, pour revenir à la polygamie, ben, c'est la même chose. La polygamie, qui est une envie que la plupart des frères ils ont, dans leur cas, elle pourrait être certains obligatoires. Car une femme ne lui suffit pas, il peut tomber dans le haram, et il a les moyens de pouvoir en assumer plusieurs. Et il a également la bonne politique, la bonne mentalité pour assumer. T'en as d'autres pour qui ce sera recommandé. Pareil. D'autres pour qui ce sera permis. D'autres pour qui ce sera détestable, et d'autres pour qui ce sera interdit. Par exemple, t'as des hommes, avec une femme déjà, ils n'arrivent pas à gérer, ils veulent une deuxième. Tu vois. T'arrives pas à faire du vélo et tu veux prendre une grosse japonaise cylindrée, une grosse cylindrée japonaise. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Catastrophe. Donc, toi, dans ton cas-là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes. Et tu fais de dehors. Un mariage, à ce moment-là, il n'est pas, ça sera pas une chose qui sera correcte. Ça sera irishwa iya. Ça sera irishwa iya. Va quoi, l'état là? فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Donc, si épousez ce qui vous plaît parmi les femmes, c'est-à-dire 2 ou 3 ou 4. Et si jamais vous avez peur de ne pas être juste, alors une seule. Ou alors une de vos esclaves. Cela est meilleur que vous mettre en situation difficile. Donc, on a peur de qui, à ce moment-là, comme l'a dit le shir dans la muhadara? De la femme? Non, c'est pas d'elle qu'on a peur. C'est pas d'elle dont on a peur. On a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est injuste dans la polygamie, ce qu'il y a à craindre concrètement pour lui, ce n'est pas la colère de la femme. qu'à la colère de la femme, même si tu es le plus juste des hommes, tu vas la subir, c'est inévitable. Donc la colère de la femme, c'est pas vraiment ça qu'il faut regarder. Mais c'est celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que c'est celle-là qui va te coûter, qui peut te coûter un châtiment et des problèmes en ce bas monde et dans l'au-delà. Car notre but, c'est quoi? C'est de plaire à Allah, pas de mettre en colère, bien évidemment. Et combien, par justement cette polygamie, de son bien situation, qui leur a causé la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car ils sont rentrés dans une situation qui n'était pas gérable pour eux, qui n'était pas raisonnable pour eux, donc ashwaiya. Pourquoi? Qu'elle aura enfreint l'ordre d'Allah en abusant de ce bienfait. Pourquoi? En désrespectant les conditions. La polygamie, c'est un khayr, mais il y a des règles, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Dans cette ashwaiya, on avait parlé au début par rapport aux dépenses. La dépense, comment les gens y vivent. Ne pas vivre selon ses moyens, c'est la ashwaiya. Comme a dit Ta'ala, وَلَا تَجْهَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَّا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَحْصُورًا. Ne sois pas trop avare, ni ne sois trop donateur, sinon tu te retrouveras blâmé et chagriné. T'as des gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ashwa'iyya. Et t'as des gens qui ont les moyens, mais ils se privent de tout. Ashwa'iyya. Ils peuvent mettre leur famille à l'aise, mais tu les vois avares. Ils ne veulent pas dépenser. Les enfants ont des besoins, les moyens sont là, mais ils ne veulent pas dépenser. La femme a des besoins, les moyens sont là, ils ne veulent pas dépenser. Et t'en as d'autres, comme on l'a dit, c'est le contraire. Il n'a pas les moyens, mais il veut mettre tout le monde. Il veut acheter à tout le monde. Pour lui-même, pour sa femme, ses enfants, les amis, alors qu'il n'a pas les moyens. On va dire, tu es généreux. Mais à ce moment-là, ta générosité, elle va te nuire. Comme a parlé Ta'ala dans le verset. Hein? Voilà ta psoudha, kula bast. Ne sois pas trop donateur. Car cela va te coûter cher par la suite. Tu n'as pas les moyens. Wa kama qala ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Que Allah n'impose pas à une âme que ce qu'elle peut supporter. Donc tu n'as pas les moyens. Ta niya, elle est connue que tu voulais faire du khayr, tu ne peux pas. D'accord? Donc tu n'as pas à t'engager là-dedans. Wa qala ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu, inna Allah yuhibbul musrifin. Et buvez et mangez et ne gaspillez pas. Que Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc c'est ça qui est demandé. C'est la modération. C'est-à-dire, ce qui est permis, fais-le, mais avec modération, sans exagération. Quand on dit exagération, dans la consommation ou dans la privation. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا أَوْ قَوَّامًا. Et ceux qui dépensent, plutôt ceux lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Sans quoi, tu feras preuve de ashwaiya. Comme l'épouse, par exemple, qui cuisine pour 8 personnes à la maison, alors vous n'êtes que 4 à la maison. Et elle vise pas les voisins. C'est juste, elle veut faire beaucoup de nourriture. Comment ça s'appelle ça? Ashwaiya. Regardez pendant Ramadan. Voilà le musta'in, pendant Ramadan. Combien de poubelles sont remplies? Ramadan, c'est le mois du siyam, du jeûne. C'est là où on mange moins, normalement. Wallah, j'ai jamais vu les poubelles se remplir aussi vite. Chez moi, hein, j'en parle de chez moi, déjà. C'est une réalité. Notre cher Mohamed Al-Uzazi, pareil, donner un exemple de ces gens, surtout les femmes, parce que c'est elles qui s'occupent de la cuisine, qui font trop de nourriture pour l'iftar. Pourquoi? Car on a les yeux plus gros que le ventre. Comme on a jeûné toute la journée, on arrive en fin de journée, on a très faim et très soif. Donc on prépare plein de boissons, plein de nourriture. Mais en réalité, l'estomac rétrécit. Donc il ne va pas consommer beaucoup. Donc tu vas vite être rassasié. Et toute la nourriture que tu as préparée va finir comment? Gaspillage. Sans compter la lourdeur. Si jamais tu vas te forcer à manger, tu vas dire, allez, il faut tout finir. On mange. Tu te gaves. Après, si tu fais tarawih. Si jamais Allah te wafok pour y aller faire tarawih, il sera très difficile. Car tu seras lourd, le ventre rempli. Il n'y aura pas de chaussures, il n'y aura pas de plaisir, il n'y aura rien. Tant qu'une seule envie, c'est de t'asseoir, rentrer chez toi, de te poser. Et également, pendant Ramadan. D'accord? Perte de temps dans la cuisine à outrance. Ou ces femmes qui ouvrent plus les livres de cuisine que le mosraf. Ashwaiya. Ramadan, c'est le mois du Coran, comme on a dit. Ouais, le mois du sobre. Pas le mois des festivités. D'accord? Maintenant, on sait que l'iftar, c'est un moment de joie. Et se faire plaisir n'est pas interdit. Mais, de façon, comme on l'a dit, raisonnable. Donc, ça arrive le premier jour. Le deuxième jour, tu prends le son. Tu dis, hier, on a fait beaucoup de nourriture. On s'est un peu emporté. Demain, on va faire attention. Et voilà. Par contre, t'as des invités, tu les honores. Mais toujours en évitant l'ashwa'iyya dans ce que tu fais. Par exemple, également la nourriture. La baraka dans la nourriture. L'islam nous a enseigné comment manger correctement. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul bima yalik. Il a dit quoi à ce jeune garçon? Il a dit, oh jeune garçon, nomme Allah avant de manger. Tu dis bismillah. Car si tu dis pas bismillah, Shaitan mange avec toi. Il dit, mange par ta main droite. Tu manges par la main droite. Pourquoi? Car la main gauche, c'est Shaitan qui mange avec. Et, kul mima yalik. Mange ce qu'il y a devant toi. Pourquoi? Pour ne pas avoir à, justement, importuner tes voisins qui mangent avec toi. Car en islam, la sunna, c'est de manger en groupe. Autour d'un même plat. C'est pas comme les koufars, chacun sa petite assiette, sa petite soucoupe, son petit verre, son petit couteau, sa petite fourchette, sa petite cuillère. Là, en islam, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est un plat au milieu, et on mange 10 autour d'un plat, avec la main droite. D'accord? Quand cela est possible, s'il y a des, sacs, il y a des plats, des fois, on peut pas manger avec la main. Et celui qui ne peut pas manger avec la main, c'est, il y a juste là, il y a kul bisha ukia bil milaqa. C'est permis de manger avec une cuillère, ou avec une fourchette. C'est permis. Mais la sunna, c'est le mieux, c'est de le faire comme ça, pour celui qui peut le faire. Et quand on a fini de manger, maya sunna, avant de se suer les doigts, de les laver, de lécher ses doigts. Et également, quand on mange, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on commence par les bords avant d'atteindre le milieu. Pourquoi? Lina al-baraka fi wasat al-sahn. La baraka, elle est au milieu du plat. Et quand on en fera toutes ces choses-là, yaqa al-ashwa'iyya fi ta'am. Il n'y a pas de baraka. Ça se trouve, on a encore faim. Parce que déjà, manger à plusieurs, ça met une baraka qui fait qu'on mange moins. Et on est rassasié plus vite que celui qui mange seul dans son coin, dans son assiette, tout seul. Tout comme l'ashwa'iyya, tu es en train de manger un plat et une partie de la nourriture tombe par terre. Et cette nourriture est récupérable. Maza qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette lokma, tu la prends, tu la nettoies et tu la manges. Car si tu ne la manges pas, qui c'est qui va la manger? C'est Shaitan qui va la manger. Est-ce que nourrir Shaitan nous est permis? C'est pas permis. Shaitan, c'est notre ennemi. C'est un ennemi pour nous déclarer. Je vais lui donner à manger. Je vais faire manger avec moi. Je dis pas bismillah, il mange avec moi. Je dis pas bismillah, rentre chez moi, il va rentrer avec moi. Kulu adil akhlaq adil adab rahmatan lana hifazan ala nufusina wa ala dinina. Tout ça, c'est pour nous préserver, nous enseigner, nous éduquer. Sans quoi, il y a des nuisances derrière. Combien de gens se plaignent que l'argent part dans la nourriture et dit mon argent, je le vois même pas arriver. Tout part dans les courses. Mais regarde d'un côté, est-ce que ces sunan tu les as appliquées chez toi? Elles sont là pour ça, pour nous faciliter la vie. Kazalik, combien d'entre nous se plaignent d'avoir pris du poids, d'avoir grossi? Pourquoi? Parce qu'on mange mal. Les sandwicheries, mashallah, les snacks, les grecs, les ainsi de suite. Il y en a, par exemple, pour le sport, ils mangent je sais pas combien de fois par jour. Pourquoi? Pour entretenir sa masse musculaire, ou sa silhouette, ou je ne sais quoi. Et après, ils mangent normalement, sans excès, et sans te priver, et sans takallouf. Les Arabes, chez les salafs, ils mangeaient 2 fois par jour. 2 fois par jour. En fin de matinée et au Maghreb. D'accord? Et pourtant, est-ce que tu vas dire qu'aujourd'hui on est plus fort qu'eux? Ah, sûrement pas. Kalla. Marra ibn Abbas, radiallahu anhu, bi unasin yahmilun al-ahjar. Faqalaha ma haoulaï, qala lil-kuwa, l'taqwiya. Qala al-aqwiya hum ibadallah. Il est passé devant des gens qui soulevaient des pierres. Un peu comme de la musculation. Il a demandé, que font ces gens-là? Ils ont dit, c'est pour se renforcer. Il a dit, les gens forts, les réels, les vrais gens forts, ce sont les dévots dans l'adoration. Et trop manger, ça tue le cœur. Ça tue le cœur. Ça fait grossir, ce qui amène des problèmes de santé. D'accord? Ça prend beaucoup d'argent. Ça prend du temps. Et, sauver pour constater le calme. Ça amène à la dureté du cœur. Allah. Et ça, on l'a constaté. Personne ne pourra le nier cela. Donc, ne pas avoir le comportement islamique dans ce domaine-là également, هذه من العشوائية. Dans notre sommeil, يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Nous avons fait de votre sommeil un repos. Et nous avons fait de la nuit un vêtement. Et nous avons fait du jour un retour à la vie active. C'est-à-dire que le moment pour dormir, c'est la nuit. Et le moment pour l'activité, c'est la journée. Faut pas inverser les choses. Allah, dans le Coran, dit bien que la nuit, elle était là pour qu'on dorme, qu'on se repose. D'accord? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, kana yakrah un homme, qabla l'Isha. Il s'est dormi avant l'Isha. Pourquoi? Car dormir avant l'Isha, ça va faire que tu ne vas pas très vite pour l'Isha. Donc la salat, tu vas la perdre. Adi ishwa'iyya. Il détestait parler après l'Isha. Sauf en cas de besoin, bien sûr. Pourquoi? Car ce qui risque de te faire tarder à te coucher le soir, ce qui me remettrait en cause, en premier lieu, ta salat du Fajr. D'accord? Et te ferait perdre peut-être le fadl de pouvoir faire qayyam al-layl, de faire le witr en fin de nuit. C'est une heure mubaraka. La fin de nuit, c'est une heure mubaraka où Allah Azzawajal répond au dua. Ce qui est une grande cause de soulagement de nos problèmes qui nous touchent notre vie au quotidien, dont on se plaint constamment. On a une cause devant nous. Et au lieu de ça, on passe des nuits blanches à parler de nos problèmes ou à chercher une solution dans nos problèmes. Là où il n'y en a pas forcément, c'est-à-dire si je parle de la solution que tu vas penser être une solution, ça n'en est pas forcément une, t'as pas de garantie. Et on finit par perdre, justement, celle qui nous a été garantie par notre Seigneur. C'est-à-dire, le dua en fin de nuit. C'est-à-dire que Wahi, le Shar, nous offre des raccourcis avec une destination connue, et nous on fait des détours, des rallongements pour une destination inconnue, et pour un résultat qui n'est pas garanti. Masmoha, comment ça s'appelle ça? Absurdité, stupidité, Aishwa Iya. Et on est en plein dedans. Et je vous le dis, moi, le premier. Combien d'entre nous, le soir, par les chats, se posent et dorment directement? Tout le temps, on est là, on papote, blabla, sur WhatsApp, sur Telegram, ou devant le masjid, ou au snack avec le frère Intel, ou kaza et kaza et kaza. Ah là, c'est pas bon, ça. Rien de sonna. Maintenant, il y a des ouyouf, des invités, il n'y a pas de mal. Il y a une chose importante, il n'y a pas de mal. Tu as visuel, il n'y a pas de mal. D'accord? Et c'est vrai que tu as des gens aujourd'hui qui sont tellement occupés que le seul moment qu'ils ont comme temps libre à la maison, un peu, c'est le soir, après l'Isha. Il n'y a pas de mal. Mais si tu peux l'éviter, évite-le. Évite-le. Car c'était ça le comportement prophétique. D'accord? On ne dit pas que c'est haram. Ça devient haram à partir du moment où ça t'empêche de faire tes adorations, obligations comme le Fajr. Waman nama hatta asbaha bala ash-shaytan fi udhunayhi. Il a dit quoi le Nabi sallam? Celui qui dort jusqu'après le lever du soleil, c'est-à-dire qu'il fait pas le Fajr avant son temps, ou plutôt dans son temps, c'est-à-dire il se lève après l'heure du Fajr, celui-là, shaytan aura uriné dans ses oreilles, wa li'az billah. Donc, comme on dit, l'ishwa'iyya, ça nous nuit. Ça nous nuit, ça nous porte préjudice. Et également, la tarbiya des awlad. Éduquer les enfants. Car nous avons tous été créés de Adam, alayhi salatu wasalam. Et Adam, khulqa min tin, d'argile, de terre. Et dans un hadith, que Allah Azzawajal a pris une poignée de la terre, ou différentes poignées de différentes parcelles de la terre. D'accord? Et de ces différentes formes de terre, on en a tiré nos différentes formes à nous, nos couleurs, nos caractères, nos tempéraments, et ainsi de suite. Et nos niveaux intellectuels. Parmi nous, certains sont blancs, d'autres sont noirs, d'autres sont rouges, d'autres sont de telle et telle façon. D'accord? Maths et autres. Et parmi nous, certains sont, mashallah, éveillés, d'autres le sont moins, d'autres sont intelligents, d'autres le sont moins, d'autres sont doux, d'autres sont durs, d'autres sont se précipitent, d'autres sont patients, d'autres sont calmes, d'autres sont énergiques, et ainsi de suite. Tout ça, c'est par les différentes sortes de terres par lesquelles nous avons été créés. Donc c'est Allah Azzawajal qu'on a décidé ainsi. Donc nos enfants, il en est de même pour eux. Les enfants ne sont pas tous pareils. L'enfant n'a pas la raison d'un adulte, ni son physique. Donc on ne peut le surcharger de tâches d'un adulte, comme on en a parlé dans notre dernière conférence sur la discipline. Et toi, rappelle-toi comment tu étais quand tu étais un enfant. Rappelle-toi comment tu étais afin de pouvoir assimiler et voir comment tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi pour que ce soit profitable. Car des fois, on est dur avec nos enfants, on se dit, à leur âge, qu'est-ce que je faisais, moi? Surtout des gens comme nous, les convertis, ou ceux qui n'ont pas grandi dans un environnement religieux. Comment on était, nous, par rapport à nos enfants qui sont nés en islam? Comment on était, nous? Les bêtises qu'on faisait. Va demander à ta mère, va demander à ton père comment tu étais avec eux. Et peut-être que ça va te dire, mon enfant, en fait, masha'Allah, c'est une crème, en fait. Je me plains de lui, il me rend fou, mais en fait, en réalité, mon enfant, par rapport à ce que j'étais, moi, c'est incomparable. Ah, c'est clair. Donc, l'enfant, sache-le, c'est un la'ab. L'enfant, c'est un joueur. L'enfant, sa principale occupation, c'est le jeu. D'accord ? Donc, il faut le traiter en conséquence. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, fi hikmati al-azima, sa rahma, il ne l'a pas kallaf. L'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, tout ce qu'il fait n'est pas pris en compte. Imaginez-vous un enfant, ses actes sont pris en compte, mais il n'aurait que des péchés, le pauvre. Le pauvre, il n'aurait que ça, avec tout ce qu'il fait comme bêtise toute la journée. Ce serait invivable pour lui. Donc, il a un temps de formation pour assimiler les choses, qui devient un peu conscient. Kazalik la salat, regardez la salat, comment ça se fait. À quel moment la salat, l'enfant elle le devient, il faut lui faire la salat, à 7 ans. Et c'est juste, on lui ordonne. C'est-à-dire, on lui apprend comment faire la salat. On lui apprend le tahar, la purification, on lui apprend le nombre de raka'at, on lui apprend quoi dire, quoi ne pas dire, ainsi de suite. À quel moment ça devient pour lui impératif et qu'on le frappe? À 10 ans. De 7 ans à 10 ans, combien de temps ce qui se passe, laps de temps? 3 ans. Une marge donc qui est immense. Pourquoi? Parce que l'enfant, il ne va pas faire la salade du jour au lendemain comme toi. Comme il disait le shir dans Salam Muhadara. Tu penses que l'enfant en un mois, il va faire la sifat al-Nabi, salam al-Albani? Il va te faire une salade comme dans le livre de Cheikh al-Albani, la description de la salade du prophète. Il va te faire comme ça. Abadan, jamais. Déjà même nous. Même nous, en tant qu'adultes, on a du mal à se concentrer, à faire les choses correctement. Alors que dire de l'enfant? Et une chose importante à rappeler par rapport à ce hadith, que l'enfant, on lui ordonne de faire la salade à 7 ans. Beaucoup de gens se trompent par rapport au calcul de l'âge. Cet âge, on le calcule par le calendrier égyrien et pas grégorien. Ce n'est pas par les années des chrétiennes, mais par les années islamiques, par le calendrier lunaire. Car chaque année lunaire, tu gagnes en temps. C'est-à-dire, arrivé à un âge, tu penses par exemple que tu as 10 ans, en fait tu en as 11. Avec le temps, tu gagnes en âge. Tu regardes le mois égyrien et l'année égyrienne. Et de là, tu calcules son âge, à quel moment il aura 7 ans. Car si tu prends le calcul grégorien, il aura 7 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, il sera en train dans la 7e année, tu ne seras même pas rendu compte. Et tu n'auras pas commencé à appliquer sur lui, justement, cet enseignement. Tu auras tardé, car tu auras mal calculé. Et à la base, toutes nos adorations, elles sont basées sur le calendrier égyrien, Ramadan. On ne regarde pas le mois de décembre, mois de novembre, mois de janvier. On regarde Ramadan, avec l'entrée de la lune. Le Hajj, c'est dit le Hijja. D'accord? Toutes ces choses-là. Les Ayad qu'on fait, c'est par rapport au calendrier égyrien. Donc on disait, pour revenir à l'enfant, l'enfant a besoin de jouer. Donc laisse-le jouer, mais sous surveillance, et de façon modérée et ordonnée. C'est pas y jouer n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Attention. Un temps pour le jeu, et un temps pour l'apprentissage. Car si jamais tu veux le forcer à apprendre, tu vas le rendre fou. Et si jamais tu laisses que jouer, il va rien apprendre, et voilà. Donc, ishwa iya fi tarbiya. Et si jamais tu es une personne qui est futée, essaye justement de lui inclure l'apprentissage à travers le jeu. D'accord? Mais attention, il y en a, ils font ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop à l'affût de tout ce que font les koufars dans ce domaine-là. Ils cherchent à calquer la pédagogie des koufars, leur procédé d'enseignement et tout. Ça, c'est pas bon. Car le kafir, dans tous les livres qu'il fait, les jeux d'éveil, tout ce qu'il fait, c'est quoi son but? C'est pas de faire un adorateur d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire un kafir comme lui. Donc toi, c'est quoi ton but? C'est de faire un abdan lillah, d'en faire un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne prends pas leur voix à eux. Arrête d'être dans leurs livres, leur pédagogie, leur développement, leur psychologie, leur je ne sais quoi. Là, regarde le kitab ou la sunnah. Regarde les salafs comme ils étaient. C'est notre modèle. Notre modèle, ce sont les salafs. Pas le livre de Marie-Claire Lafrange avec son nouveau livre « Comment éduquer votre enfant ». Ah ça, c'est tu peux mettre de côté ça. C'est pas ça qui va t'aider. L'enfant, il faut lui ancrer en lui la vraie croyance dès l'enfance. Lui apprendre le comportement islamique et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, chacun en fonction de son niveau. Il faut lui apprendre la salat, son importance. Regarde, comme on l'a dit, le Nabi sallallahu alayhi, comme il l'a fait, nous a enseigné que l'enfant, on lui ordonne à 7 ans et on le frappe à 10 ans. Et même si on le frappe, ça ne veut pas dire que tant qu'il est impubère, s'il n'a fait pas la salat, il n'y a pas de péché sur lui. Mais toi, par contre, tu as le péché de ne pas lui avoir imposé cela. Le péché est sur qui maintenant? Sur le père et surtout sur la mère. Car le père souvent est absent. Donc c'est qui le mukallaf à ce moment-là? C'est lui ou c'est toi? C'est toi. Donc ton enfant, si jamais tu laisses perdre, tu prends toi des péchés, et plus tard en plus, tu risques de regretter amèrement quand tu verras le comportement qu'il va avoir. Sauf si Allah Azzawajal lui fait rahma et le wafak pour l'islah ou l'istikama. Regardez par exemple aussi l'erreur, c'est qu'on veut trop prendre nos enfants et les calquer sur des modèles qu'on a lus par exemple dans l'histoire des salafs. Et ça, faut pas oublier que les salafs, ils n'avaient pas la même époque que nous et le même environnement que nous. Et surtout, n'est pas la faible foi comme nous. Et l'ignorance qu'il y a comme chez nous. Donc les salafs sont notre modèle. Mais il faut bien se mettre en tête qu'on ne sera jamais comme eux. Mais ne pas être comme eux ne veut pas dire, allez, c'est pas réalisable, je laisse tomber. Là, tu dois faire en sorte de te rapprocher le plus possible d'eux, de leur ressembler. Mais quand le sitara. D'accord? Mais Salen, il y a cette histoire de ce jeune garçon qui était Hijab ibn Ammar, qui est parti voir l'imam Malik, rahmallahu ta'ala. Encore là, hadithni. Apporte-moi des hadiths. Mais Malik lui a dit, tu es trop petit. Tu es un enfant, va dans le sens, voilà, va jouer. Et l'enfant l'a insisté. Mais Malik lui disait que ce n'était pas pour lui. Et l'enfant ne voulait pas partir. Mais Malik a pris un bâton et l'a frappé. 10 fois. L'enfant s'est mis à pleurer. Il lui a dit, subhanallah, dans le sens, je suis dans le Masjid Nabawi, à El Medina, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je te demande un hadith où tu me frappes. Je ne te pardonnerai pas ce que tu m'as fait. Là, l'imam Malik, dans l'histoire qu'il a racontée, bien sûr, il a réalisé, il a regretté ce qu'il a fait. Et l'enfant lui a dit, je ne te pardonne qu'une condition. Il a dit laquelle? Que pour chaque coup que tu m'as donné, tu donnes un hadith. Regardez un peu. Chaque coup que j'ai reçu, tu donnes un hadith. Donc l'imam Malik lui a donné 10 hadiths. Naam. Et après, l'enfant lui a dit, frappe-moi encore. Et pour chaque coup, tu me rajoutes un hadith. Quel enfant va faire ça aujourd'hui? Bila alaykoum. L'enfant aujourd'hui va lui dire, prends un hadith. Pour chaque hadith que tu n'as pas appris, tu vas prendre un coup de bâton. Ça va être tout le contraire chez nous à notre époque. Ça va être comme ça. Donc on dit, ah, ça sert à rien de regarder ce genre d'histoire, à dire, mon enfant, il ne prend pas de hadith, il est stupide, il est bête. Là. Ou de regarder le fils de un tel qui est mouchtahid grave. Là. Fais pas appuyer sur les autres. Les enfants, ils sont différents. T'en as, ils apprennent très vite. T'en as, ils sont plus lents. T'en as, ils assimilent très vite, d'autres sont plus lents. L'enfant, il faut qu'il aille à son rythme. Si jamais tu te surcharges, déjà toi, tu vas te rendre fou tout seul. D'accord? Et lui, tu vas faire un jeu, il va craquer. Donc ça, c'est les ishwa'iyya. Il faut le juste milieu dans la tarbiyya, dans l'apprentissage. D'accord? Il faut le faire avancer. Naam. Il faut le faire avancer. Mais le faire avancer correctement. À son rythme. À son niveau. Et tu verras, même, comme a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayl a'mal adwamuha wa inqalla. Les meilleures œuvres sont celles qui perdurent, qui sont régulières, qui continuent, même si elles sont peu. Donc, avec la continuité, la régularité, tu verras les résultats bizna ta'ala, qui vont être incroyables par la suite s'il grandit. Et profite justement de cette enfance dans laquelle l'enfant assimile très vite. Regarde nous, par exemple, petits. Regarde le nombre d'imbécilités qu'on nous a mis en tête, comme générique de dessin animé, comme poésie, comme je ne sais quoi, que jusqu'à cet âge, jusqu'à notre grand âge aujourd'hui, on a encore en tête, qu'on est par cœur. Et jusqu'à notre mort, qu'on va jamais l'oublier. Wallah azbillah. Des choses qu'on a appris par cœur sans les faire l'effort de les apprendre par cœur. Mais tellement on les a entendues à la télévision, à la radio, à l'école, c'est rentré dans la tête. Moi, j'ai encore même des prières que j'ai apprises au catéchisme petit, chez les chrétiens, j'ai connu encore par cœur dans ma tête. Mais je vous le dirai pas. Bref. Imagine-toi cet enfant-là, ou toi, plutôt, t'aurais été cet enfant-là, à la place de ces bêtises qu'on t'a fait, mémoriser, tu aurais été des versets de Coran, des hadiths, ou des moutounes de ilm. Imagine-toi le ilm que tu aurais aujourd'hui. Sans avoir fait beaucoup d'efforts, tout ce que tu aurais en tête comme Coran, mutqin, que tu peux pas oublier, comme ahadith, mutqin, que tu peux pas oublier, et comme parole de ulama, mutqina, que tu pourrais pas oublier. Sans même les réviser. Ce serait là. Alors imagine-toi si, en plus, l'effort que tu fournirais toi pour apprendre et réviser. Quel niveau tu aurais atteint? Et cela, facilement. Imagine-toi. Mais non. Quand on l'a machafa, ça n'a pas été comme ça. Mais ce que nous, on a, ce dont on a déprivé, on peut le donner à nos enfants. Leur donner correctement. Pour pas les faire fuir. Donc, comme on a dit, ce sujet-là, wallah, il peut être très vaste. On peut parler de beaucoup de choses dans notre vie. Ashwa'iyya, à éviter. Mais je pense que les exemples cités là, qui sont parmi les plus importants, d'accord, ils seront suffisants pour qu'en plus la personne puisse après les placer dans d'autres domaines de sa vie par lui-même et juger par lui-même. Donc, la religion de l'islam, il n'y a pas d'ashwa'iyya dedans. Et de là, on réalise que vivre, justement, selon les préceptes de la religion, avec clairvoyance, ça nous facilite la vie. Et c'est ça le but. يُرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Que Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. وَاشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ مِنْ حَرَجٍ. Il vous a choisi, n'a mis sur vous aucune gêne en religion. Donc le ma'soum, l'infaillible, c'est celui que Allah aura protégé. Et nul n'est infaillible, à part le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le tablier du wahi. Et je vous dis, dans ce sujet-là, j'en parle. Voilà, ana awwal al-maqsoud bihi. Je suis le premier concerné par ce genre d'erreur. Mais cela ne m'empêche pas de vouloir le bien pour mes frères et mes sœurs. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qu'aucun d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit nasiha, que la religion c'est le conseil. Et il n'est pas une condition d'appliquer soi-même ce qu'on dit pour pouvoir le dire aux autres tant que la vie elle est bonne. Si moi je ne fais pas une chose, cela ne doit pas m'empêcher de toi de t'indiquer de la faire. D'accord? Par contre, les versets qui parlent de cela en mal, comme encore l'état à la, ya yulazina amanu de matakuluna malatafaloun. Kabura maktan indallah, intakuluna malatafaloun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? D'accord? C'est un grand péché pour Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Dans quel sens? C'est le sens de faire croire que toi, la chose, tu l'as faite, en fait. D'accord? Quelqu'un qui appelle les gens à faire un bien, que lui ne fait pas, mais qui laisse croire aux gens qu'il l'a fait. C'est ça le blâme. Mais maintenant, quelqu'un qui fait pas une chose, et qui s'en veut à lui-même, et qui encourage les gens à le faire, dit, moi, je suis faible, j'y arrive pas, j'espère le faire, mais toi, fais-le. Eh ben, il n'y a pas de mal pour lui. D'accord? Faut pas dire, moi, je le fais pas, je peux pas le dire. C'est vrai que c'est dur, tu ne te sens pas crédible. Mais quoi qu'il en soit, fais-le quand même. Wa kama yuqal, yanfa'uka nusihi wa la yaduruka taqsiri. Que mon conseil te profitera, et mes manquements ne t'ennuieront en rien. Mes manquements ne t'ennuieront en rien. De là, je vais m'arrêter. Comme j'ai dit, le squelette, on va dire, la structure de cette conférence, à la base, est celle de Cheikh Yahya Abu Tahir, d'accord, avec mes ajouts à moi, bien évidemment. Et, fa, in asabtu fa min Allah, wa in akhtatu fa min nafsi min ash-shaytan. Fa nas'al Allah azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yanfa' bima kunna wa ma sami'na, wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.